désespéré de la vie. La peur te tient la main et tu y tombes dans l'ennui. Tout au fond, c'est pour l'éternité.